Je vais pas mettre les choses à terme, je vais essayer de faire assez rapidement. Peut-être premièrement un petit point sur la jeunesse, pas forcément dans les universités, mais dans les lycées, parce que je suis pas, enfin, je me souviens plus si on a fait un point ou pas la dernière fois. Donc il y a eu les E3C il n'y a pas très longtemps. Donc les E3C, c'est les épreuves de contrôle continu du bac bancaire. Donc non seulement c'est des épreuves dégueulasses, parce que combiné avec Parcoursup, ça fait un bac en gros qui a une valeur différente selon les établissements, où on va très vite voir que bah, en fait un 14 dans un lycée voilà, de centre-ville avec une bonne réputation, et bah, pour avoir une équivalence avec ça, et bah, il faut taper un 16 ou un 18 dans les autres bacs. En plus, ces épreuves, c'est des trucs qui ont été très très mal préparés. Il y a eu énormément de profs qui se sont mis en grève pour le jour où il y avait les E3C. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, les directions, mais que ce soit au niveau du rectorat, au niveau du ministère ou au niveau des directions des BAU, et bah, ils ont trouvé à droite à gauche des gens qui ne doivent pas et qui n'ont pas dans leur contrat le fait de surveiller les épreuves pour les foutre. Là où il y a eu de l'agitation, il y a des rassemblements de l'interprofessionnel pour empêcher ou en tout cas foutre un minimum de bordel pendant ces épreuves, ils ont foutu les flics devant les bahuts pour faire entrer les élèves avec de l'intimidation. En réponse à ça, il y a quand même pas mal de lycéens qui commencent à se mobiliser, qui commencent à s'organiser. On a commencé à voir ça à la dernière manif, hein, avec Val de Seine qui sont montés à la manifestation à une trentaine. Blaise Pascal qui est sorti un petit peu, et l'autre truc qu'on voit très bien, c'est que bah, nous, quand on va distribuer sur les lycées, et bah, ça prend bien, il y a des gens qui se posent des questions, et moi je pense que voilà, y a cette partie de la jeunesse-là, elle est prête à partir, et si on pouvait, nous, en tant qu'étudiants, leur faire un appel et leur dire, bah, nous, voilà, nous, à la fac, on est mobilisés, on est prêts à aller vous filer un coup de main, je pense que ça serait vachement important qu'on aille voir ces lycées-là. L'autre truc, moi je pense qu'on a des super bonnes idées dans les assemblées générales sur comment on construit le mouvement. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas forcément à tout hyper bien organiser. En assemblée générale, par exemple, on avait voté de faire des distributions de tracts, et ben, en fait, on n'a pas forcément eu tous les moyens de contacter tout le monde, et donc ben, on s'est retrouvé à 4-5 à chaque fois à distribuer, alors qu'on était 180 en assemblée générale. Moi, pour répondre à ça, je pense qu'on a besoin de s'organiser, et je pense que du coup, c'est important de créer un comité de mobilisation. Alors, je sais qu'un comité de mobilisation, il y a certains ici qu'on n'ont pas envie, parce que c'est vrai qu'on a vu de nombreuses fois des dérives de ce truc-là, et on s'enferme dans des trucs pourris. Moi, je pense qu'il faut qu'on pose ensemble les bases d'un comité de mobilisation. Et moi, comment je le vois, et ben, en fait, c'est un truc de... On élit une dizaine de personnes à l'AG qui a pour but de faire appliquer les décisions de l'Assemblée Générale, qui aurait les contacts de tous les gens qui sont présents en Assemblée Générale pour leur dire quand est-ce qu'il y a des types de tracts, quand est-ce qu'il y a des tours d'amphi à faire, pour leur rappeler les dates, des mobilisations, des actions de l'Interpro, etc., etc. Je me dépêche de finir. Et deuxièmement, il faut que le comité de mobilisation, ce soit un truc qui soit ouvert au public, donc c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas élus dans le comité de mobilisation, ils puissent venir voir ce qui se dit dans ce comité de mobilisation, pour pas que les gens qu'ils aient élus puissent dire tout et n'importe quoi. Et c'est un comité de mobilisation qui doit être réélu à chaque assemblée générale, c'est-à-dire qu'en début d'AG, il fait un compte-rendu de ce qu'il a fait dans la semaine, on ouvre les prises de parole pour faire des critiques de « oui, ça s'est bien passé, non, ça s'est pas bien passé », et après, il y a des réélections pour avoir un truc qui soit complètement démocratique.